Voici un astérisque astérisque chapitre structuré et approfondi astérisque astérisque sur le panafricanisme d'Ousmane Sonko, intégrant vos demandes spécifiques, l'héritage idéologique, le pragmatisme politique, les relations avec l'AES, et les controverses autour de son approche. Ce chapitre est conçu pour être directement intégré dans votre livre, avec des astérisques astérisques citations précises astérisque astérisque, des astérisques astérisques analyses comparatives astérisque astérisque, et des astérisques astérisques sources vérifiées astérisque astérisque. Dièse astérisque astérisque chapitre 12, le panafricanisme de Sonko entre héritage et pragmatisme astérisque astérisque. Astérisque nous devons nous unir autour de l'essentiel. Astérisque. Dièse astérisque astérisque introduction, un panafricanisme radical et pragmatique astérisque astérisque. Le astérisque astérisque 17 juin 2024 astérisque astérisque, deux mois après sa nomination comme Premier ministre, Ousmane Sonko se rend au Burkina Faso. Devant les caméras de la astérisque astérisque RTB, radiodiffusion télévision du Burkina, astérisque astérisque, il déclare son soutien sans équivoque à l'astérisque astérisque Alliance des États du Sahel, AES, astérisque astérisque, composé du Burkina Faso, du Mali et du Niger, trois pays dirigés par des juntes militaires. Cette prise de position provoque un tollé, comment un dirigeant arrivé démocratiquement au pouvoir peut-il soutenir des régimes issus de coups d'État? Sonko répond sans détour. Astérisque, ce n'est pas parce qu'on arrive au pouvoir démocratiquement qu'on n'est pas révolutionnaire. On peut faire la révolution pacifiquement, par les urnes. Astérisque. Ce chapitre explore les astérisques astérisques racines idéologiques astérisque astérisque, les astérisques astérisques contours politiques astérisque astérisque, et les astérisques astérisques contradictions astérisque astérisque du panafricanisme de Sonko, un mélange unique des astérisques astérisques héritage historique astérisque astérisque, de astérisque astérisque radicalité anti-impérialiste astérisque astérisque, et de astérisque astérisque pragmatisme gouvernemental astérisque astérisque. Dièse astérisque astérisque. Les racines idéologiques, un héritage assumé astérisque astérisque. Dièse astérisque astérisque à Cheikh Anta Diop, la conscience africaine astérisque astérisque. Sonko puise son inspiration dans l'œuvre de astérisque astérisque Cheikh Anta Diop, 1923-1986, astérisque astérisque, historien et anthropologue sénégalais, qui a démontré l'antériorité des civilisations africaines et réhabilité l'histoire du continent face au récit colonial. Astérisque astérisque ce que Sonko retient de Diop astérisque astérisque. 1. Astérisque astérisque la fierté africaine astérisque astérisque, refuser le complexe d'infériorité imposé par la colonisation. 2. Astérisque astérisque l'unité africaine astérisque astérisque, l'Afrique doit se penser comme un tout, non comme 54 États fragmentés. 3. Astérisque astérisque la connaissance de soi astérisque astérisque, astérisque un peuple qui ne connaît pas son passé est comme un arbre sans racines. Astérisque. 4. Astérisque astérisque la science au service de l'Afrique astérisque astérisque, développer une recherche endogène pour construire l'avenir. Astérisque astérisque citation clé astérisque astérisque. Astérisque Cheikh Anta Diop nous a appris que l'Afrique n'a pas besoin de la validation de l'Occident pour exister. Notre histoire est glorieuse, et c'est sur elle que nous devons nous appuyer. Astérisque. Ousmane Sonko, discours à l'Université astérisque astérisque Université Cheikh Anta Diop, UCAD, astérisque astérisque, mars 2023. Astérisque astérisque source astérisque astérisque. Diop, C.A., 1960. Astérisque nation nègre et culture astérisque. Sonko, O., 2023. Discours à l'UCAD, astérisque archive de l'UCAD astérisque. Dièse astérisque astérisque B. Thomas Sankara, le modèle révolutionnaire astérisque astérisque. Sonko voit en astérisque astérisque Thomas Sankara, 1949-1987, astérisque astérisque, président du Burkina Faso, un modèle de astérisque astérisque courage politique astérisque astérisque et des astérisque astérisque intégrité astérisque astérisque. Sankara a gouverné avec un programme radical de rupture avec le néocolonialisme, avant d'être assassiné en 1987. Astérisque astérisque pourquoi Sankara fascine Sonko astérisque astérisque. Astérisque astérisque simplicité et intégrité astérisque astérisque, Sankara vivait avec un salaire de fonctionnaire et roulait en Renault 5. Astérisque astérisque autosuffisance astérisque produisons africains, consommons africains. Astérisque. Astérisque astérisque anti-impérialisme astérisque rupture avec la France et refus de l'aide conditionnelle. Astérisque astérisque martyr astérisque assassiné avec la complicité présumée de la France, Sankara est devenu un symbole de la lutte panafricaine. Astérisque astérisque le pèlerinage à Ouagadougou, juin 2024, astérisque astérisque. Sonko se recueille sur la tombe de Sankara et déclare. Astérisque Thomas Sankara reste une source d'inspiration pour tous les panafricanistes. Son combat pour la dignité et la souveraineté doit continuer. Astérisque. Astérisque astérisque source astérisque astérisque. Sankara, T, 1987. Astérisque discours de Sankara astérisque. Jeune Afrique Sonko à Ouagadougou, hommage à Sankara, juin 2024, https://www.jeuneafrique.com. Dièse astérisque astérisque c'est Mamadou Dia, le panafricanisme sénégalais astérisque astérisque. Astérisque astérisque Mamadou Dia, 1910-2009, astérisque astérisque, premier ministre du Sénégal de 1960 à 1962, est une référence majeure pour Sonko. Dia prenait un astérisque astérisque socialisme africain astérisque astérisque et une astérisque astérisque économie solidaire astérisque astérisque, avant d'être renversé par Léopold Sédar Senghor. Astérisque astérisque pourquoi Sonko s'inspire de Dia astérisque astérisque. 1. Astérisque astérisque développement endogène astérisque astérisque, industrialisation à partir des ressources locales. 2. Astérisque astérisque économie solidaire astérisque astérisque, promotion des coopératives et des mutuelles. 3. Astérisque astérisque anti-impérialisme astérisque astérisque, rupture avec la dépendance économique vis-à-vis de la France. 4. Astérisque astérisque martyr politique astérisque astérisque, Dia a été emprisonné 12 ans pour ses idées. Astérisque astérisque citation clé astérisque astérisque. Astérisque l'histoire bégaye. Comme Mamadou Dia dans les années 1960, nous arrivons au pouvoir avec un projet de rupture. Réussirons-nous là où il a échoué? Astérisque. Ousmane Sonko, interview à Astérisque CNews Astérisque, octobre 2023. Astérisque astérisque source astérisque astérisque. Dia, M, 1962. Astérisque les problèmes politiques de l'Afrique noire indépendante astérisque. CNews Sonko et l'héritage de Mamadou Dia, octobre 2023, https://www.cnews.com. Dièse astérisque astérisque des Kwame Nkrumah, l'unité africaine astérisque astérisque. Astérisque astérisque Kwame Nkrumah, 1909-1972, astérisque astérisque, premier président du Ghana indépendant, et le père du panafricanisme politique moderne. Sonko retient de Nkrumah. Astérisque astérisque l'unité politique africaine astérisque astérisque, projet des États-Unis d'Afrique. Astérisque astérisque la dénonciation du néocolonialisme astérisque astérisque. Astérisque astérisque la solidarité entre mouvements de libération astérisque astérisque. Astérisque astérisque citation clé astérisque astérisque. Astérisque l'Afrique doit s'unir. Nous ne pouvons pas nous développer en tant que nations isolées. Nous devons nous penser comme un seul bloc stratégique. Astérisque. Ousmane Sonko, discours à la astérisque astérisque conférence panafricaine de Dakar astérisque astérisque, mai 2024. Astérisque astérisque source astérisque astérisque. Nkrumah, K, 1963. Astérisque Africa must unite astérisque. BBC Afrique Sonko et l'héritage de Nkrumah, mai 2024, https://www.bbc.com/afrique fermez la parenthèse. Dièse astérisque astérisque 2. Le discours panafricain de Sonko, l'essentiel astérisque astérisque. Dièse astérisque astérisque à nous devons nous unir autour de l'essentiel astérisque astérisque. Cette phrase, répétée dans tous ses discours, résume la philosophie panafricaine de Sonko. Astérisque astérisque l'essentiel astérisque astérisque, pour lui, ce sont 1. Astérisque astérisque la souveraineté astérisque astérisque, reprendre le contrôle des ressources, de la monnaie, et de la sécurité. 2. Astérisque astérisque la dignité astérisque astérisque, refuser l'humiliation et la condescendance des puissances étrangères. 3. Astérisque astérisque le développement astérisque astérisque, industrialisation, transformation locale, création d'emplois. 4. Astérisque astérisque la libération astérisque astérisque, sortir du néocolonialisme, notamment français. Astérisque astérisque ce qui n'est pas l'essentiel astérisque astérisque. Les modalités d'accès au pouvoir, élections vs coup d'État. Les différences idéologiques mineures. Les querelles de personnes. Astérisque astérisque citation clé astérisque astérisque. Astérisque ce qui compte, C'est ce qu'on fait une fois au pouvoir, défend-on la souveraineté? Sert-on le peuple? Les modalités d'accès au pouvoir sont secondaires. Astérisque. Ousmane Sonko, interview à la astérisque astérisque RTB, Burkina Faso, astérisque astérisque, juin 2024. Astérisque astérisque source astérisque astérisque. RTB Sonko à Ouagadougou, juin 2024, https://www.rtb.bf. Astérisque le quotidien astérisque l'essentiel selon Sonko, juillet 2024. Dies astérisque astérisque B. L'appel à l'unité des souverainistes africains astérisque astérisque. Sonko se présente comme le astérisque astérisque rassembleur des forces souverainistes africaines astérisque astérisque, qu'elles soient au pouvoir ou dans l'opposition. Astérisque astérisque les figures clés avec lesquelles il échange astérisque astérisque. Astérisque astérisque personnalité astérisque astérisque astérisque astérisque pays astérisque astérisque astérisque astérisque statut astérisque astérisque astérisque astérisque lien avec Sonko astérisque astérisque. Ibrahim Traoré Burkina Faso président, junte militaire, soutien mutuel, visites officielles. Assimi Goïta Mali président, junte militaire, coopération sécuritaire et économique. Abdourahamane Tiani Niger président, junte militaire, soutien à l'AES, projet commun. Laurent Gbagbo Côte d'Ivoire ancien président allié historique, symboles anti-France-Afrique. Mamadi Doumbouya Guinée président, junte militaire, échange sur la souveraineté monétaire. Astérisque astérisque message clé astérisque astérisque. Astérisque nous avons des parcours différents, mais nous partageons le même combat, libérer l'Afrique. La France et ses alliés veulent nous diviser. Nous ne tomberons pas dans ce piège. Astérisque. Ousmane Sonko, discours à astérisque astérisque Bamako, Mali, astérisque astérisque, septembre 2024. Astérisque astérisque source astérisque astérisque. Jeune Afrique Sonko et les jeunes du Sahel, septembre 2024, https://www.jeuneafrique.com. Astérisque Sen News astérisque les alliances de Sonko, août 2024. Dies astérisque astérisque C. Le discours à la RTB, juillet 2024, un moment fondateur astérisque astérisque. Lors de son interview à la astérisque RTB, Burkina Faso, astérisque en juillet 2024, Sonko assume pleinement son panafricanisme radical. Astérisque déclaration clé astérisque. 1. Astérisque sur l'AES astérisque. Astérisque nous soutenons totalement l'Alliance des États du Sahel dans son combat pour la souveraineté. La France et ses alliés veulent nous maintenir dans la dépendance. Nous refusons cela. Astérisque. 2. Astérisque sur la démocratie et la révolution astérisque. Astérisque ce n'est pas parce qu'on arrive au pouvoir démocratiquement qu'on n'est pas révolutionnaire. On peut faire la révolution pacifiquement, par les urnes. Astérisque. 3. Astérisque sur le franc CFA astérisque. Astérisque nous travaillons avec le Burkina, le Mali et le Niger pour adresser un ultimatum à la France sur la question du franc CFA. Notre monnaie doit être entre nos mains. Astérisque. Astérisque réaction astérisque. Astérisque panafricaniste astérisque applaudissent son courage. Astérisque pro-démocratie astérisque critique son soutien aux juntes. Astérisque pro-France astérisque l'accuse de populisme. Astérisque CDAO astérisque embarras diplomatique, car le Sénégal, membre de la CDAO, soutient des pays qui en sont sortis. Astérisque source astérisque. RTB interview exclusive de Sonko, juillet 2024, https://www.rtb.bf. RFI Sonko divise avec ses déclarations, juillet 2024, https://www.rfi.fr. Dies I. Les relations avec l'Alliance des États du Sahel, AES, **. Dies **. Qu'est-ce que l'AES, **? Elle **. Alliance des États du Sahel, AES, **. Est créée en **. Septembre 2023 **. Par trois pays dirigés par des militaires. 1. **. Burkina Faso **. Ibrahim Traoré. 2. **. Mali **. Assimi Goïta. 3. **. Niger **. Abdourahamane Tiani. Astérisque astérisque objectif de l'AES astérisque astérisque. Astérisque astérisque coopération en matière de défense astérisque astérisque contre le terrorisme.